Pourquoi nous raconte-t-on des histoires ? Lorsque je racontais des histoires à mes enfants, le soir, chaque soir, je dois le préciser, je ne commençais pas vraiment par « il était une fois », comme dans les contes et les histoires les plus traditionnelles de l'humanité, mais par « un jour », un matin, un soir, à leur choix d'ailleurs, et c'était au fond la même chose, c'était tout comme. Il fallait embrayer au fond sur un passé, mais présenté aussi comme une fiction, mais quand même au passé. Il l'était une fois, avec un événement un petit peu unique, mais en même temps délibérément fictif, et avec lequel il s'agit de jouer, de raconter quelque chose comme une fable. Et c'est là un sens très curieux du mot histoire, un sens que beaucoup jugent secondaire, ce récit vrai ou faux, le plus souvent délibérément, expressément fictif, ce récit de la fable précisément, qu'on juge secondaire ce sens du mot histoire quand on raconte des histoires par rapport aux autres sens plus grands, l'histoire avec un grand H, l'histoire comme disait Georges Perec avec sa grande H, l'histoire avec sa vérité, ses faits parfois merveilleux, parfois terribles, avec sa signification aussi qui fait que nous nous définissons nous-mêmes par rapport à notre histoire individuelle et collective, par rapport à ces deux grandes dimensions de l'histoire. Les petites histoires que nous nous racontons le soir semblent bien fragile, bien secondaire, bien marginal. Et au fond, peut-être est-ce là une grande erreur. Peut-être que cette troisième dimension de l'histoire est au moins aussi importante que les deux autres. Cette dimension de la fable, ce plaisir que nous prenons aux fables, comme disait La Fontaine lui-même. Si Poda ne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Comme disait aussi Bergson, qui fondait sur la fonction fabulatrice, un rôle fondamental pour survivre face au danger, cette dimension de la fable est peut-être essentielle. Pourquoi est-ce que nous racontons des histoires? Il y a, au fond, une manière de jouer avec cette dimension historique si importante pour nous-mêmes, cette dimension de construction de l'identité par un récit, cette fonction de jouer avec, de se projeter dans d'autres histoires possibles, d'affronter aussi des dangers réels en les transposant dans nos angoisses enfantines, dans nos fantasmes inconscients, comme dans la psychanalyse des contes de fées. Depuis Bruno Bettelheim, beaucoup ont cherché à le comprendre. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de projeter nos peurs, mais aussi nos espoirs dans des fables tous les soirs avant de nous coucher? Parce que l'histoire nous travaille. L'histoire traverse aussi nos dimensions psychiques. L'histoire nous donne des rêves ou des cauchemars. Et le fait de se les raconter est aussi une protection face à ces dangers et aussi une projection dans ces possibles, dans ces possibilités. Nous nous projetons dans ces personnages qui errent dans les forêts, dans ces aventures fictives qui nous permettent d'affronter les aventures réelles. Ainsi, il faut se raconter des histoires, mais pas au sens où on se laisse berner par elle. Plutôt bercé, mais pas berné, comme quelqu'un qui se raconterait des histoires, qui vivrait dans un monde parallèle, qui n'affronterait pas l'histoire réelle. Non, il faut raconter des histoires entre nous, au coin du feu, avant de s'endormir, pour affronter aussi notre partage de l'histoire commune, pour partager les vies, tout simplement.